franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Étaient-ils les espions de Concorde, ces taupes travaillant pour l'Est et qui auraient permis aux Soviétiques de construire un avion supersonique qui ressemblait tellement à notre Concorde qu'on l'a baptisé ironiquement Concordski. Rien n'est moins sûr, même s'il était tentant de croire à cette histoire qui flattait notre orgueil national. Monsieur X, reviens donc sur cette affaire d'espionnage qui, ce n'est pas innocent, a été montée en épingle par les autorités politiques de l'époque en 1977, à un moment où la gauche semblait sur le point de remporter un succès électoral aux élections législatives. Et d'abord, le réseau Fabiou, du nom de son chef, était-il cet important nid d'espions qui, selon certains spécialistes du contre-espionnage, a constitué une véritable menace contre nos intérêts industriels et technologiques? On le sait, depuis l'affaire Farewell, le KGB avait édifié dans les années 70 une véritable entreprise de recueil systématique de renseignements techniques et scientifiques afin de combler le retard du camp de l'Est dans ses secteurs stratégiques. Afin aussi de réaliser d'indispensables économies en matière de recherche et développement. Alors, le réseau Fabiou était-il une pièce de cette gigantesque entreprise d'espionnage? La réponse dans un instant. Jet, whisper, jet, clipper, jet, turbo. À propos, je suis pas rendu chez Sophie qui a pris l'avion Saint-Esprit de Duplessis sans m'avertir. Alors je suis reparti sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Je sais plus où je suis rendu. J'ai été au sud du sud, au soleil, le blanc rouge, les palmiers et les cocotiers glacés dans les peaux aux esquimaux bronzés qui tricotent des ceintures fléchées farcies. Et toujours la Sophie venait de partir, sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais je sais plus où je suis rendu. Absolument très salissant. Alors je suis reparti sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais je sais plus, je suis rendu. Ma Sophie à moi. J'ai pris une compagnie qui volait sur des tapis de Turquie. C'est plus parti. Et moi, à propos, et moi, je suis rendu à dos du chameau. Je préfère mon Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, sais plus, je ne sais plus où je suis, où je suis rendu. Puis j'ai fait une chute, une crise de chute en parachute, et j'ai retrouvé ma Sophie. Elle était dans mon lit avec mon meilleur ami et surtout mon pot de biscuit. L'affaire du réseau Fabiou est rendue publique en mars 1977. Et procédure plutôt inédite, c'est le ministre de l'Intérieur en personne, Michel Poniatowski, qui la révèle assez solennellement, au risque d'ailleurs de gêner le travail de la DST qui, d'habitude, préfère la discrétion. Oui, mais Poniatowski était coutumier, hein, si j'ose dire, de ce genre d'intervention intempestive. Hein. Oui, quitte à s'ingérer dans l'action purement judiciaire. Mais enfin, passons. Alors, de quoi s'agit-il ? Depuis quelque temps déjà, la DST, c'est-à-dire notre service de contre-espionnage, savait que des espions travaillant pour les soviétiques étaient à l'œuvre en France. Et d'où les policiers de la DST, la tenaient-ils cette conviction ? Ils avaient d'abord détecté et enregistré des émissions radio à destination de l'Est. Mais les messages émis étaient bien sûr codés. Et surtout, il s'agissait d'émissions flash. Oui, c'est-à-dire très condensées. Hein. Ensuite, de façon assez classique, les inspecteurs de la DST avaient reçu les confidences d'un transfuge. Donc un homme qui était passé à l'Ouest et qui avait donc trahi les siens. Hein. C'est ça. Cet homme leur avait donc dit qu'il existait dans la région parisienne un ingénieur qui fournissait au GRU, d'ailleurs le service de renseignement de l'armée rouge, des informations très importantes. Mieux, ce transfuge a révélé que cette taupe travaillait dans une société du nom de Sergi. Très précis. Hein. Un problème. Il y avait trois entreprises enregistrées sous ce sigle, qui signifie en l'occurrence Société d'études et de réalisation générale et industrielle. Ben, ça permettait quand même de circonscrire les recherches, non ? Bien entendu. C'est ainsi qu'en procédant à des écoutes et des filatures, qu'ils ont réussi à identifier cet ingénieur. Ils l'ont arrêté à Orly alors qu'il allait s'envoler vers l'Algérie. Il s'enfuyait ? Ah, pas du tout. C'était un voyage d'affaires. Cet ingénieur avait rendez-vous avec des clients de l'autre côté de la Méditerranée. Alors, qui est cet homme ? Une observation d'abord. Dès qu'il est interpellé par les policiers de la DST, il avoue. Et lors de la perquisition effectuée à son domicile de Buc, dans les Yvelines, on trouve la panoplie du parfait espion. À commencer par un matériel de transmission très sophistiqué, dont des émetteurs-récepteurs radio puissants et très miniaturisés. Ce qui lui permettait donc de transmettre ses émissions flash. En outre, les policiers découvrent des instructions données aux membres du réseau par le GRU. Mais aussi une comptabilité partielle du réseau et les codes secrets de liaison et d'émission de signaux. Plus des microfilms de documents en instance de transmission. Et bien sûr, de l'encre sympathique. Mais ça, c'est l'encre invisible. Ouais. Dans ces conditions-là, il ne faut pas s'étonner que l'homme soit passé tout de suite aux aveux. Hein. Mm-hmm. Alors, je repose ma question. Qui est cet espion ? Il s'appelle Fabiou, Serge Fabiou. Il est né en 1921 à Niš, dans l'actuelle Serbie. Ses parents sont des Russes blancs. Son père était même officier dans l'armée tsariste. Toutefois, les Fabiou ont rapidement émigré en France. Lors de la Seconde Guerre mondiale, Fabiou, père et fils, partent travailler en Allemagne en 1941. Ce sont alors des travailleurs volontaires, hein, puisque le STO, le service du travail obligatoire, ne sera mis en place par les nazis qu'en 1942. C'est exact. Mmh. En 1943, les Fabiou sont de retour en France. Et là, il faut bien parler d'un épisode peu glorieux. Serge Fabioux travaille jusqu'à la fin de la guerre à la commandantour de Saint-Cloud. Sérieuse tâche, là, dans son CV. Et ça lui vaudra de rester apatride jusqu'en 1967, malgré de multiples demandes de naturalisation. Ouais, c'est peu de choses, car il aurait pu être poursuivi. Hein. C'est vrai. En tout cas, ça l'a incontestablement marqué. Et le refus que lui ont longtemps opposé les autorités françaises explique en partie son attitude future. Bon, n'allons pas trop vite. Par ailleurs, cette faute qu'il a commise pendant la guerre n'a peut-être pas échappé aux Soviétiques qui, après la défaite de l'Allemagne, ont raflé de nombreux fichiers. Je vois ce que vous voulez dire. La Serge Fabioux aurait pu être l'objet d'un chantage ? C'est un aspect qu'on ne peut exclure. J'y reviendrai. Alors maintenant, son parcours professionnel. Fabioux a donc une formation d'ingénieur. C'est un type plutôt brillant et même un inventeur qui déposera au fil des ans plusieurs brevets. Dans quel domaine ? La circulation et le contrôle des fluides. Enfin, ne m'en demandez pas plus. Assez tôt, il crée sa propre entreprise. Alors c'est cette Sergie, hein ? Oui, c'est une petite unité puisqu'il installe son atelier où travaillent une dizaine de personnes derrière sa maison de Buc. Et concrètement, alors, que fabrique-t-il ? De grandes bouteilles d'azote comprimées qui servent à protéger de l'incendie les transformateurs électriques. Mais ça marche, ça ? Oui, sa petite entreprise est florissante et s'est même développée au-delà des frontières françaises. Et ses clients ? Ils sont fort nombreux. Et pour revenir à ce qui nous intéresse, il faut noter que ses activités l'ont amené à travailler avec la CEREB, c'est-à-dire la Société d'études pour la réalisation d'engins balistiques, qui est en quelque sorte l'ancêtre de l'aérospatiale. Et j'imagine que c'est là où furent élaborés les premiers missiles français. Ceux de la force de frappe, oui. Autre client intéressant pour Fabioux, l'ELDO, une organisation qui a présidé à la naissance des premiers lanceurs spatiaux européens. Il a eu aussi des clients comme Dassault ou Matra. Donc autant d'endroits où Fabioux pouvait recueillir des informations essentielles. Oui, mais à condition de se voir ouvrir les bonnes portes. C'est-à-dire d'avoir accès au bureau d'études, par exemple. C'est ce que je voulais dire. Et malheureusement, sur ce point, je n'en sais pas plus. Même si, et c'est presque normal, les autorités françaises et les patrons de la DST ont soutenu que le réseau Fabioux avait réussi à rafler des informations capitales. D'autant qu'il y avait des arrière-pensées politiques. Expliquez-moi. À un moment où la gauche française, avec son programme commun qui unit socialistes et communistes, semble capable de gagner dans les urnes, il n'est pas sans importance de dévoiler l'existence d'un réseau d'espionnage travaillant pour les Soviétiques, par exemple. Je veux bien le croire, d'autant que le ministre de l'Intérieur, encore une fois, était Michel Poniatowski. L'homme qui avait annoncé que si François Mitterrand était élu à la présidence de la République, les chars de l'armée rouge ne tarderaient pas à envahir les Champs-Élysées. Par conséquent, il n'était pas à une outrance près. Soit. Et l'homme Fabioux lui-même, là, qu'était-il ? C'était un homme petit, maigre et nerveux, au front dégarni. On est loin de James Bond, là. Vous savez bien que les espions, les vrais, ressemblent rarement à l'agent 007. Détail notable, si ses voisins trouvaient que Fabioux était parfaitement poli, ils remarquaient aussi qu'aucun d'entre eux n'avait jamais pénétré chez lui dans sa villa de Buc. Oui, mais ça n'en fait pas pour autant un espion. Oui, je suis d'accord. Quant à ses amis, il le considérait comme un idéaliste bourré d'idées généreuses. Et même avec un côté un petit peu boy scout. Oui, ça c'est assez amusant, là. Et connaissait-il son passé ? Vraisemblablement, non. Alors, sa vie d'espion maintenant, comment a-t-il été recruté et pourquoi ? En 1963, c'est un certain Koudryatsev, un conseiller d'ambassade soviétique qui l'a approché. Et qui est donc devenu son premier agent traitant. Oui, mais ses motivations ? Fabioux a d'abord mis en avant son ascendance russe. Oui, mais ses parents étaient des Russes blancs, donc anticommunistes. Oui, c'est vrai. Donc ça n'est pas trop sérieux. Mais d'une façon plus crédible, Fabioux a expliqué qu'il était pacifiste. Il aurait trahi pour maintenir l'équilibre des forces entre les deux grands. Oui, c'est un argument qui a souvent été utilisé par les taupes de l'Est. Georges Pack, par exemple. En effet. Mais il est plus probable qu'il ait été rattrapé par son passé. Oui, donc presque 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans le monde du renseignement, on est très patient. Il est très possible que les Soviétiques, qui l'avaient depuis longtemps dans leur collimateur, aient attendu que Fabioux soit introduit dans des entreprises sensibles pour le faire chanter. Mais Fabioux a aussi fourni une autre explication pour justifier pourquoi il a basculé. Une explication assez étrange. We'll be right back. Dans son ouvrage « Le KGB en France », Thierry Volton recense les diverses motivations qui peuvent inciter un homme à devenir une taupe soviétique et les ressorts utilisés par les agents de l'Est. D'abord, la fibre pacifiste, l'anti-américanisme latent de nombreux Européens, la peur de la guerre peuvent inciter à choisir le camp socialiste pour l'aider à sauvegarder l'équilibre des forces et faire échec aux visées de l'impérialisme. Les racines culturelles utilisées dans les milieux émigrés russes, cette approche peut être efficace. Il suffit de convaincre l'intéressé que Russie et Union soviétique ne font qu'un. Ce n'est guère difficile, d'éminents spécialistes de l'URSS ne prétendent-ils pas expliquer le régime soviétique par la seule tradition russe ? Le ressentiment, l'impression de ne pas être reconnu à sa juste valeur, l'insatisfaction dans son travail, l'envie de se venger de ses supérieurs ou d'une situation injuste peuvent conduire à la trahison. Les officiers du KGB savent parfaitement détecter ces sentiments chez un individu. Dans un premier temps, ils attisent ses rancœurs, puis ils flattent son orgueil en faisant comprendre à l'agent qu'il pourra enfin tenir un rôle digne de son intelligence, de ses capacités. Alors, cette motivation là, qui vous semble étrange ? Le fait d'être apatride, et même un apatride malheureux. Or, d'emblée, par l'intermédiaire de ce Koudriatchev, l'URSS lui offre une patrie. Il en reçoit confirmation dès son premier voyage à Moscou en 1965. C'est-à-dire qu'on lui accorde la nationalité soviétique. Et même un grade dans l'armée rouge. On le flatte, en somme. Et Fabio n'y a certainement pas été insensible. En tout cas, cet argument de la nationalité sera largement utilisé par la défense lors de son procès. Quand il a commencé à collaborer avec les soviétiques, il n'a pas trahi puisqu'il était apatride. C'est un peu spécieux, non ? Oui, je suis d'accord avec vous. D'autant que cet argument ne tient plus après qu'il a obtenu la nationalité française en 1967. Oui, mais enfin, s'il continue à trahir, c'est qu'il est tenu par les soviétiques. En tant que fils d'officier russe émigré ayant acquis la nationalité soviétique, il était obligé de collaborer. S'il refusait, il était considéré comme un traître. Et il risquait alors sa vie. Il aurait donc continué à trahir pour sauver sa peau ? C'est ce que lui et son avocat, le célèbre Jacques Izorni, ont prétendu lors du procès. Et puisque nous en sommes à parler du procès, pour sa défense, Fabio a aussi affirmé qu'à partir de 1966, il n'aurait plus rien transmis d'important à ses officiers traitants. Pour quelle raison ? D'abord parce qu'il avait l'espoir d'être naturalisé français. Et ensuite, parce qu'il aurait pris conscience de la réalité du régime soviétique. Il a fallu du temps. Oui, d'autant qu'il a pu voir sur place ce qu'il en était. Il est même retourné à Moscou en 1965. Il y a alors reçu une formation spéciale dans une école d'espions. Il effectuera encore deux autres voyages en URSS avant son arrestation. Enfin, venons-en au travail d'espion de Fabio. Et surtout, à la façon dont il a constitué son réseau. Il semble qu'il a d'abord été utilisé comme recruteur dans les établissements où il avait accès, comme Matra, Dassault, Noraviation ou la Sereb dont je vous ai parlé. Donc à lui de repérer les éventuels traîtres. C'est ça, mais on a exigé encore plus. Que voulez-vous dire ? On lui a carrément demandé de diriger le réseau. Un réseau qui était constitué des taupes qu'il avait recrutées, mais aussi d'espions enrôlés par d'autres agents soviétiques présents en France. On a donc fait de Fabio une sorte de pivot, d'agent centralisateur. En effet. Alors, quels sont les comparses de Fabio ? Ceux qui ont été identifiés, en tout cas. Le premier, mais pas le plus important d'entre eux, est un certain Raymond D. Un père tranquille de 45 ans, chef de fabrication, dans une maison d'édition de revues médicales. Ouais, à son niveau et dans son domaine, il ne pouvait guère fournir de renseignements sensibles. Oui, il a essentiellement servi d'intermédiaire. Une sorte de boîte aux lettres vivante pour le réseau. Ce malheureux homme a cru rendre service à l'une de ses connaissances, le représentant à Paris d'une société commerciale russe qui lui a demandé de pouvoir recevoir des lettres de sa maîtresse à son adresse. Ouais, mais la maîtresse était en réalité un espion soviétique. Et cet homme a été abusé. La justice en a tenu compte, d'ailleurs. Raymond D. a été laissé en liberté provisoire et écopera plus tard d'une peine très légère. Deuxième membre du réseau, Giovanni Ferrero, un Italien, d'abord présenté comme un simple chauffeur-livreur chez Fiat France. C'est avéré en fait qu'il était rédacteur au département armement et aéronautique de l'entreprise, puis secrétaire et homme de confiance du responsable de ce secteur, un ancien général de l'armée italienne, Luigi Onofri. Oui, là, c'est plus intéressant. Hein. Oui, oui. En 1971, ce département de Fiat a été englobé dans une compagnie d'aviation étatisée, Aera Italia. Mais l'important, c'est que Fiat France aurait réalisé en sous-traitance la voilure de la fameuse aile double Delta du Concorde. Ouais. Et via ce Ferrero, les secrets technologiques de cette aile auraient pu être transmis aux Soviétiques ? C'est possible, car Ferrero avait la possibilité de photographier tous les dossiers qui passaient entre les mains de son patron. Il aurait même pu avoir accès à des informations secrètes sur des armements de l'OTAN sous-traités par la Fiat. Et cet Italien, alors, lui, a trahi pour quelle raison ? Recruté en 1961, il aurait reçu d'importantes sommes d'argent, 100 000 francs, 8 ans. Par contre, les motivations du troisième homme dont je voudrais vous parler ont été tout autres. Et qui, alors ? Un nommé Marcel Lefebvre. Lui n'a jamais caché qu'il nourrissait des sympathies pour le mouvement communiste. Et d'ailleurs, le détail de ses voyages est éloquent. Yougoslavie, URSS, mais aussi Cuba. Et quelle fonction occupait-il ? Lefebvre était un ingénieur électronicien. Il a d'abord été employé chez Matra, puis à la compagnie Honeywell Bull, spécialiste des calculateurs analogiques. Il a donc travaillé sur des ordinateurs ultra-puissants utilisés dans la navigation aérienne et l'aérospatiale. Et lui aussi, par ce biais, a été associé aux travaux conduisant à la conception du Concorde. Ensuite, chez Matra, il a participé à la mise au point de missiles et de fusées. Un gros poisson, par contre. Le plus gros, oui. Et qui, je le répète, s'est livré à des manœuvres d'espionnage en raison de ses convictions idéologiques. Quand il a été arrêté, il revenait d'un voyage aux États-Unis où il devait représenter Honeywell Bull. Autre personnage, autre profil, le dernier de la bande, Roger Laval. Nom de code dans le réseau REX. Et quelle spécialité ? C'est un ancien contrôleur aérien, un septuagénaire. Ouais. À la retraite, donc ? Oui, mais cet individu n'avait pas tout à fait décroché. Célibataire, il passait son temps à visiter ses anciens collègues sur les bases aériennes. Et d'abord les bases militaires, celles de Brétigny ou de Salon de Provence, par exemple. Ou encore celles ouvertes aux avions de l'OTAN dans l'est de la France. Bon, ça lui permettait de glaner des informations sur les prototypes d'avions à l'essai. Ou encore de faire des relevés topographiques. De ces bases ? Oui. À une époque où les moyens perfectionnés d'espionnage par photo aérienne ou satellite n'en étaient qu'à leur tout début, bah, c'était des informations importantes pour les armées du pacte de Varsovie. Et c'était donc Serge Fabius qui dirigeait et coordonnait les activités de tout ce petit monde. Oui, et qui envoyait les informations recueillies à Moscou et rendait compte à son officier traitant. En fait, c'était toujours le même ? Non, non. C'était un certain Grigory Myakov qui avait pris le relais. Encore un diplomate espion. Évidemment. Ce Myakov, qui avait rang de colonel au GRU, était officiellement expert des communications ferroviaires au Bureau international du travail à Genève, dépendant de l'ONU. Intouchable, donc. Pas tout à fait. En juin 1978, ce personnage que la DST soupçonnait d'être l'officier traitant du réseau Fabius a été arrêté à la frontière franco-suisse. Et il a été interrogé pendant 24 heures par les policiers français. Dans sa serviette, on a trouvé une étude approfondie du réseau ferré français. Mais rien sur Fabius. Quoi qu'il en soit, il a été viré de l'ONU et il a dû repartir à Moscou. Mais je dois dire que l'interpellation de ce faux diplomate faisait partie d'une opération beaucoup plus vaste. C'est-à-dire ? En ce printemps 78, à la suite de la défection de deux diplomates soviétiques, les autorités suisses ont procédé à un vaste coup de filet chez les fonctionnaires de Moscou installés à Genève. D'autre part, à mon avis, n'est peut-être pas vraiment une coïncidence, la DST a aussi mis à jour l'existence d'une autre taupe. Il y avait donc une offensive coordonnée là, contre les espions soviétiques. Je le crois, oui. Mmh. Et cette autre taupe, là ? Bah, il s'agissait d'un autre agent dormant du GRU. Un homme d'une grande qualité, Georges Beaufils, authentique résistant et responsable FTP. Il avait été l'un des hommes de liaison entre le Parti communiste clandestin et la France libre. Il avait en particulier été très proche du célèbre colonel Rémy, l'animateur du réseau de résistance, la confrérie Notre-Dame. Un communiste, donc Je ne sais pas s'il avait la carte, mais c'était un compagnon de route, comme on disait alors. Après-guerre, Beaufils a été intégré dans l'armée française avec le grade de lieutenant-colonel. puis il a pris sa retraite en 1963. Mais il a alors repris une activité dans le domaine commercial et financier en dirigeant deux sociétés liées au Parti communiste. Mais son action d'espionnage... Par l'intermédiaire d'un journaliste de l'agence TASS, il serait entré en contact avec le GRU. Mais concrètement ? À la DST, on estime qu'il a fourni à ses amis soviétiques les plans de défense de la zone ouest, c'est-à-dire ceux des ports de Cherbourg et Saint-Nazaire, mais aussi des renseignements sur l'île longue de Brest. Ah, ça, c'est le port d'attache de nos sous-marins atomiques. Hein. Et surveillé depuis 1973, il a donc fini par être arrêté à peu près en même temps que les protagonistes du réseau Fabio. Et sans doute a-t-il été donné par le même transfuge soviétique. Qu'est-il devenu, un beau-fils ? Il a été condamné à 8 ans de prison. Mais en 1981, François Mitterrand, en raison des services qu'il avait autrefois rendus, l'a gracié. Toutefois, je vous propose maintenant de voir de plus près l'une des facettes les plus spectaculaires de l'action du réseau Fabio. À commencer par celle-ci. Est-ce que ces taupes ont permis aux avionneurs soviétiques de copier notre Concorde ? Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Marcel Chalet a été un très efficace directeur de la DST. Dans un livre d'entretien, Les visiteurs de l'ombre, il souligne ce qu'a été l'originalité du réseau monté par Fabio qui, à la différence de la plupart des autres taupes soviétiques, n'était pas un illégal infiltré. Je cite. C'était un type d'agent intermédiaire entre la source recrutée par l'appareil légal, par exemple un ingénieur recruté par un officier du KGB sous couverture diplomatique, et l'illégal implanté chez nous afin de découvrir tel ou tel secret. Fabio était un homme qui, initialement, avait été recruté par le réseau légal, mais qui était devenu lui-même une sorte de semi-légal en prenant la responsabilité d'un petit groupe qui comprenait quatre autres personnes travaillant dans des domaines différents. Il était donc l'intermédiaire entre le réseau légal et ses sources. En outre, son système de communication était branché directement sur la centrale du GRU en URSS. Cette structure nous avait paru à l'époque très nouvelle et elle avait beaucoup intéressé nos partenaires occidentaux. Et Chalet d'ajouter, nous assistions dans cette affaire, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, à la francisation d'un réseau du GRU. Son but était le pillage systématique de nos techniques de pointe. Jamais en France nous n'avions vu un tel réseau. Nous sommes sûrs qu'il en existait d'autres que nous n'avons malheureusement pas encore identifiés. Une précision d'abord. Bien avant la découverte du réseau Fabio, le contre-espionnage français savait que les soviétiques s'intéressaient de très près au projet franco-britannique de construction d'un avion commercial supersonique. C'est le contraire qui aurait été étonnant, hein ? Certes. Et d'ailleurs, les Russes n'étaient pas les seuls, les Américains aussi. Et qui avaient leur propre projet, d'ailleurs. Et qui ont fini par renoncer. Alors, les soviétiques, en 1965, Sergueï Pavlov, responsable du bureau parisien de la compagnie d'aviation Aeroflot, est expulsé. Lui aussi était un officier du GRU. Donc Aeroflot, c'était sa couverture. Oui, oui, l'agence parisienne de l'Aeroflot, avenue de l'Opéra, servait de QG au GRU. Pavlov aurait été pris en flagrant délit alors qu'un homme lui remettait des rainures de pneus récupérées dans un atelier. Mais enfin, ça, je n'y crois guère. En fait, Pavlov avait été repéré un an plus tôt. Et au lieu de le neutraliser immédiatement, la DST avait décidé de se servir de lui pour faire de l'intoxication en retournant ses contacts. Mais retournant ses contacts précisés, là. Le patron d'Aeroflot utilisait un procédé vieux comme le monde. Ses hôtesses de l'air séduisaient des cibles françaises pour obtenir des informations. Ouais, confidence sur l'oreiller. Quoi. Voilà. Donc le contre-espionnage a retourné une de ces jolies femmes qui a été chargée de circonvenir le propre adjoint de Pavlov. Et c'est ainsi qu'on a découvert que les soviétiques avaient réussi à obtenir des plans de certains éléments du futur Concorde. Les freins ou encore le train d'atterrissage. Anecdote. À l'occasion, les inspecteurs de la DST ont appris que les services soviétiques s'intéressaient de très près à un jeune loup du gaullisme, promis un grand avenir. Qui ? Jacques Chirac. le futur président français n'aurait pas été insensible au charme d'une jeune soviétique. Mais bien sûr, ça n'a rien à voir avec le Concorde. J'ajoute qu'à la même époque, c'est-à-dire en 1965, la DST a procédé au démantèlement d'un autre réseau d'espionnage. Toujours autour du Concorde ? Cette fois, il s'agissait d'individus qui travaillaient pour l'Allemagne de l'Est. Eux aussi avaient l'œil sur les plans du Concorde et ils avaient réussi à en micro-photographier quelques-uns. Des films qu'ils dissimulaient dans des tubes de dentifrice lorsqu'ils passaient la frontière. Ouais. Et ne peut-on penser que tous ces réseaux d'espionnage étaient coordonnés par Moscou ? Et faisaient partie d'une manœuvre d'ensemble destinée à piller les mystères de la conception du Concorde. Bon, bien entendu, on y a pensé, sans pour autant en obtenir la preuve. Mais plus tard, au début des années 80, Farewell, notre taupe au sein du KGB, nous apprendra que Moscou avait mis au point une entreprise d'espionnage systématique des industries de pointe dans tout le monde occidental. Ouais. Et lorsqu'on verra apparaître le Tupolev 144 qui ressemblait si étrangement au Concorde, on aura une sorte de confirmation de l'existence de cette vaste opération d'espionnage. C'est naturellement la première idée qui vient à l'esprit. Parce que le Concorde Ski, comme on l'a appelé, avait la même silhouette que le supersonique franco-britannique. Mais ce n'est pas aussi simple. Et d'abord, on peut imaginer que les ingénieurs qui travaillaient de part et d'autre du rideau de fer à la conception d'un tel avion en sont presque naturellement venus à concevoir des solutions semblables. Enfin, voyons cela plus précisément, car on a aussi assisté à une formidable compétition aéronautique entre l'Ouest et l'Est. Ouais, la course au supersonique, et ça commence quand alors ? En France, c'est en 1959 qu'on lance le projet de conception d'un supersonique commercial. Et en Russie ? C'est Khrouchtchev, informé de l'existence de l'initiative française, qui sonne le branle-bas de combat en 1961. C'est d'autant plus important pour le Kremlin que par ailleurs les Soviétiques engrangent les succès en matière de conquête spatiale. Et donc en aéronautique, ils ne doivent pas se laisser distancer. Et par conséquent, ils demandent à leur principal constructeur, Tupolev, de mettre les bouchées doubles. Et en même temps, Moscou mobilise tous ses espions présents en France et en Grande-Bretagne. Oui, car le Concorde, il faut le rappeler, sera franco-britannique. Oui, un accord entre les constructeurs des deux pays a été conclu en 1962. Et d'après ce que vous m'avez dit, alors, les services de contre-espionnage découvrent assez vite les menées des agents de l'Est. En avril 1966, l'assemblage final du prototype Concorde 001 commence à Toulouse. Désormais, la course de vitesse redouble. Au début 1968, les Soviétiques apprennent que le premier vol de Concorde est prévu pour février-mars 1969. Et à l'Ouest, est-ce qu'on sait où on en est à l'Est ? Un peu. En avril 1968, le ministre des Armées, Pierre Messmer, au cours d'une visite officielle en URSS, a pu apercevoir le prototype du Tu-144. Il a pu constater la ressemblance entre les silhouettes des deux avions. Et qui va arriver le premier ? Moscou. Fin décembre 68, le Tupolev 144 vole pendant une demi-heure. À noter que cet essai n'a pas été annoncé à l'avance. Oui, parce que la peur d'un échec peut-être. Oui. Mais comme le vol a été réussi, les Soviétiques triomphent, tandis qu'à Toulouse, on fait la tête. 6 mois plus tard, le Concordski franchit le mur du son. Nouveau succès. Mais tout n'est pas parfait. Enfin, je n'entre pas dans les détails, mais l'aile delta du Tupolev ne donne pas entièrement satisfaction. Il y a des problèmes de portance et de stabilité en fonction des vitesses. C'est même si préoccupant que les ingénieurs russes doivent retourner à leur planche à dessin. Ouais. Et du côté du Concorde, alors ? Le premier vol a lieu en mars 1969 et la compétition continue. Le Concordski effectue un vol à Mach 2. Le Concorde limite en novembre 70. Et en septembre 1971, ce sera la première démonstration publique pour le supersonique franco-britannique. Mais le premier vol commercial, ce sera pour plus tard. Hein. Oui, en 1976. En tout cas, au moins en ce qui concerne la période des essais, Concorde a donc pris de l'avance. Car il faut attendre 1973 pour que le nouveau Tu-144, entièrement redessiné, refasse son apparition. Et ça va être catastrophique. En juin, on assiste à un véritable duel entre les deux supersoniques lors du salon du Bourget. Concorde effectue une démonstration, puis c'est le tour du Tupolev. Mais l'appareil va se cracher sur des pavillons de Goussainville, provoquant la mort de l'équipage, mais aussi celle de plusieurs habitants. Mmh. Et on a une explication hein. Plusieurs. La plus troublante est celle-ci. Un mirage ayant décollé de Strasbourg aurait suivi l'avion soviétique durant son vol à quelques centaines de mètres, hors du champ de vision des pilotes. Une manœuvre d'espionnage ? Peut-être. Il s'agissait surtout de prendre des photos. Mais le Mirage aurait fait une fausse manœuvre et serait apparu devant le nez du Tupolev. Surpris, les pilotes auraient mal réagi. Et le Tupolev, déstabilisé, a plongé vers le sol. L'aile gauche s'est décrochée et les moteurs ont explosé. Mais si c'est vrai, ça aurait dû entraîner de violentes protestations de Moscou. À ma connaissance, il n'en a rien été. Parce que soviétiques et français auraient passé un accord. Les premiers acceptant de ne pas parler de la présence du Mirage et les seconds s'engageant à ne pas mettre en cause les qualités du Tu-144. Et surtout, de ne pas révéler à quel point ils avaient été pillés, quoi qu'il en soit. Il faut observer que Moscou a refusé que les Français soient associés à la commission d'enquête. J'ajoute que, beaucoup plus tard, l'armée soviétique a donné une autre version du drame. Quoi ? L'accident aurait été causé par une modification réalisée au sol par l'équipe d'ingénieurs sur les capteurs du système de stabilisation automatique, la veille du second jour de démonstration. Juste avant le vol. Mais à quoi ? Pour réaliser une meilleure performance ? Oui, meilleure que celle du Concorde. Autant vous dire que l'avenir du Tupolev a été plombé par ce crash. Après une centaine de vols commerciaux en URSS et un nouvel accident en mai 1978, le supersonique soviétique a terminé sa carrière. Reste la question essentielle, là. Quelle est la part de l'espionnage dans la conception du Concordski ? Écoutez, je ne suis pas un spécialiste de l'aéronautique. Aussi, me suis-je référé à des experts. J'ai même téléphoné à votre ami Michel Polaco, qui est le spécialiste incontesté de ce domaine à Radio France. Alors, conclusion ? C'est vrai, les deux avions sont très ressemblants. Même forme, même dimension, mais ils diffèrent beaucoup dans leur conception. Les matériaux utilisés ne sont pas identiques. Et puis, il y a les moustaches de l'appareil soviétique. Des plans canards au niveau... Des plans canards, oui, c'est le mot officiel, ça. Oui, au niveau du cockpit, qui pouvait se replier et permettait à l'avion de mieux s'adapter au vol subsonique. Autre différence de taille, la motorisation. C'est-à-dire la puissance. Oui, le moteur du Tupolev ne pouvait pas se passer de la post-combustion. Contrairement au Concorde. Cela se traduisait par une surconsommation. Oui, alors que le Concorde était déjà accusé d'être trop gourmand en kérosène. En réalité, il semble bien que le Concordski a été conçu trop vite. Pour des raisons de prestige ? Parce qu'il fallait épater la galerie et montrer que l'industrie soviétique n'avait rien à envier à celle du monde occidental. Mais l'espionnage, alors ? Il a joué un rôle, c'est certain. Toutefois, ce qui a été copié l'a été plutôt mal. Et ça explique en partie l'échec du Tupolev. À samedi prochain, sur franceinter.fr, vous pourrez réécouter cette émission et nous envoyer vos commentaires. Rebecca de Nantes a préparé cette émission. Merci aussi à Michel Billou pour l'avoir réalisée et à Monsieur Joux pour lui avoir ajouté quelques notes et même pas mal de notes de musique.